Bonjour, voici le 50e épisode du podcast des Nous. Ce podcast n'est pas recommandé aux enfants. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. J'ai revu un film que j'avais vu il y a de nombreuses années. Je me souviens que j'avais apprécié, mais je me souviens d'assez peu de détails. C'est le film Underground. Dans ce film, deux grands amis, des frères, partagent le métier de hors-la-loi à Belgrade. Mais s'ils volent, et ce genre de choses, c'est par nationalisme-communisme dans une Yougoslavie qui sera bien vite envahie par les nazis. Ils ont aussi un petit frère qui travaille dans un zoo, tient aux animaux et bègue et un côté suicidaire. Malgré qu'il soit marié à une femme très enceinte, l'un des criminels en pince pour une jolie actrice. Il n'est pas le seul. Éventuellement, ce dernier, le petit frère et bien d'autres vont vivre dans un sous-sol caché. L'autre grand frère va se mettre à leur mentir pendant de nombreuses années, devenant un héros dans la libération communiste du pays à la surface, tandis qu'il fait croire aux autres que la Seconde Guerre mondiale a toujours lieu. L'histoire importe, mais pas tant que ça, ce film est assez particulier, complètement fou. Avec de nombreux plans très recherchés, créant un effet bizarre et certaines émotions fortes par moments, c'est une plongée dans la folie. La folie de la situation de la Yougoslavie. Mais malgré une situation plutôt tragique et plusieurs moments tragiques, le ton du film reste relativement léger en général. On entre dans une farandole, une danse slave endiablée que l'on ne quitte jamais de tout le film. Ce qui n'empêche aucunement le film d'avoir des moments forts et une certaine profondeur. Ce film a remporté une palme d'or bien méritée au Festival de Cannes. Eh bien, ce film aura bientôt un prix encore plus prestigieux. Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 une œuvre moyenne, 1 une mauvaise œuvre, 0 une nullité absolue. Et donc ce film se mérite glorieusement la note de 5 sur 5 au podcast des Nous. Maintenant, il faut que je voie la version longue sous forme de mini-série un jour. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!